sont les rues pleines de gens et les maisons remplies d'enfants. Ils seront tristes les Noëls. Les gens s'en vont dans le ciel. Les gens s'en vont dans le ciel. Avant chercher le soleil, les bois n'ont rien d'autre pareil. Parfois